French in action. Lesson 18. Leçon 18. Il n'y a pas de saut métier. Il est 10h30 dans le jardin du Luxembourg, à Paris. Sur un banc vert, Mireille et Robert parlent toujours. Marie-Laure, la petite sœur de Mireille, qui jouait avec son bateau, est tombée dans le bassin. Elle est allée se changer chez elle. Elle habite tout près, juste en face, de l'autre côté de la rue. Non. On ne sait jamais comment les choses vont tourner. Tenez, j'avais un ami aux États-Unis qui adorait le violon. Il jouait merveilleusement, un vrai virtuose. Il rêvait de donner des concerts dans toutes les grandes villes du monde. Eh bien, vous savez ce qu'il fait maintenant? Il n'est pas violoniste du tout. Il fait de la saucisse aux abattoirs de Chicago. C'est comme la sœur de mon amie Guylaine. Elle voulait être pianiste. Et en fin de compte, elle travaille dans le bureau de son papa, comme dactylo. Mais Marie-Laure s'approche en souriant. Mais c'est encore toi, qu'est-ce que tu fais là? Tu te déranges? Tu m'agaces, et puis là c'est bon pour Tulle. Quoi? C'est un banc public, non? Ce n'est pas à toi ce banc. Il est à tout le monde parce que c'est un banc public, un banc public, un banc public. C'est un banc public dans un jardin public. Et le jardin appartient à l'État et le banc aussi. Donc c'est à moi autant qu'à toi. Non! Eh bien, voilà une jeune fille qui va sûrement être avocate ou au Conseil d'État et va défendre les intérêts de la société et de l'État. Avocate, moi? Non, toujours debout, crier, faire de grands gestes, c'est fatigant. Le Conseil d'État, bon, le Sénat, peut-être. C'est pas en face de la maison. C'est pratique, pas de métro pour aller au boulot, mais la politique, ça ne m'intéresse pas. Qu'est-ce que tu veux faire, alors? Bon, je ne sais pas. Plombier, peut-être. Plombier? Pourquoi? Les tuyaux, les robinets, ça t'intéresse? Oui, j'aime bien jouer avec l'eau. Et puis papa dit que les plombiers gagnent plus que lui. Et puis, quand on est plombier, on travaille quand on veut. Si un client vous appelle et qu'on n'a pas envie d'aller travailler, eh bien on reste chez soi. Tandis que si on veut être ingénieur ou dans un ministère, il faut aller travailler tous les jours. Même si on n'a pas envie. Dans la vie, on ne fait jamais ce qu'on veut. Tenez, mon papa, quand il était jeune, il voulait être ma soeur. Pas Mireille, parce que Mireille, c'est ma soeur, oui. Mais c'est pas ce que je veux dire. Je veux dire ma soeur pour mâcher les gens qui ont mal au dos. Seulement, il avait toujours les mains froides, mon papa. Alors, hein, forcément, on ne peut pas réussir comme ma soeur si on a les mains froides. Les clients ne supportaient pas ça. Alors maintenant, ils fabriquent des autos parce que les autos supportent très bien les mains froides. Remarquez que ça n'empêche pas mon père d'être un homme très chaleureux. Main froide, cœur chaud, comme on dit. On dit ça? Mais oui, ça se dit. Du moins, tant Jean-Jacques le dit. Et grand-mère aussi. Moi, mon père voulait devenir athlète professionnel. Ou bien boxeur ou joueur de football. Maintenant, il est vice-président d'une grande banque internationale. Le sport mène à tout. Et tous les chemins mènent à Rome, comme dit ma tante Georgette. On parle toujours dans la famille d'un ami qui était sûr de voir un jour son fils ambassadeur. Et bien le fils en question est représentant d'une maison de jouets. Et mon beau-frère, Jean-Denis, le mari de ma soeur Cécile, voulait être routier pour conduire des camions énormes, un de ces 20 tonnes avec 9 ou 10 paires de pneus qui filent à toute vitesse dans un nuage de gasoil. Et bien vous savez ce qu'il fait à présent? Il dessine des bijoux chez un bijoutier de la place Vendôme. Moi, j'ai un ami qui, dans sa jeunesse, voulait se faire prêtre. Seulement, depuis l'année dernière, il ne croit plus en Dieu. C'est un problème, ça, pour quelqu'un qui veut être prêtre. Alors, il vient d'entrer dans une grande compagnie d'assurance, la Providence. Moi, tous mes amis veulent faire du cinéma. Ils se prennent tous pour des Fellini, des Kurosawa ou des Truffaut. Ils font des illusions. Peut-être, mais on ne sait jamais. De toute façon, faire du cinéma, c'est quand même plus intéressant que d'être dans l'industrie, l'agriculture, le commerce, les affaires, la magistrature, l'armée ou l'enseignement. C'est vrai, mais tout le monde ne peut pas faire du cinéma ou de la télévision. Il en faut des industriels, des agriculteurs, des commerçants, des femmes et des hommes d'affaires, des magistrats, des enseignants et même des militaires. Des cinéastes, des vidéastes aussi, il en faut. L'ennui avec le cinéma, c'est que même avec beaucoup de talent, on n'est jamais sûr de réussir. À ça, on ne peut jamais être sûr de rien. On ne sait jamais ce qui va se passer. Mais ça ne fait rien. Dites-moi quand même ce que vous allez faire. Moi ? Vous voulez vraiment le savoir ? Eh bien, je crois que je vais vous inviter à prendre quelque chose à la terrasse de la Causerie des Lilas. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire ? Je crois que je vais accepter. Et moi, je peux venir ? Mais tu es encore là, toi ? Qu'est-ce que tu fais là ? Tu sais tes leçons pour demain ? Ouais. Et tu as fait tes devoirs ? Ouais. Et tu les as finis ? Presque. Alors va les finir tout de suite. Oh, que tu fais t'embêtant, toi ? Puisque vous êtes américain, vous devez savoir l'anglais ? Oui, un peu. Vous ne pouvez pas m'aider pour mon devoir d'anglais ? Peut-être. Alors, cet après-midi, à 2h, ici, ok ?